Chapitre 10e. À la vue de Madeleine, qui n'était autre que la marquise de Miranda, le bonheur de Madame du Tertre fut si grand que pendant un moment, tous ses chagrins, toutes ses terreurs pour l'avenir furent oubliés. Son gracieux et doux visage rayonnait de joie. Elle ne pouvait que prononcer ces mots d'une voix entrecoupée. « Madeleine, chère Madeleine, après une si longue absence, enfin, te voilà !» Ses premiers embrassements échangés entre les deux jeunes femmes, Sophie dit à son amie en lui indiquant tour à tour du regard du tertre et le vieillard. « Madeleine, mon mari, son père, notre père, car il m'appelle sa fille. » La marquise, entrant soudainement, s'était élancée au cou de Sophie avec tant d'impétueuse affection que Charles du Tertre n'avait pu distinguer les traits de l'étrangère. Mais lorsque celle-ci, aux dernières paroles de Madame du Tertre, se tourna vers lui, il éprouva une impression subite, étrange, impression si vive que pendant quelques minutes il oublia ainsi que sa femme les paroles vindicatives de M. Pascal. Ce que ressentit Charles du Tertre à la vue de Madeleine fut un singulier mélange de surprise, d'admiration et presque d'inquiétude, car il avait comme un remords confus d'être accessible, dans un moment si critique, à d'autres pensées que celles de la ruine dont lui et les siens étaient menacés. La marquise de Miranda ne semblait cependant pas, au premier abord, devoir causer une impression si brusque et si vive. D'une stature assez élevée, sa taille et son corsage disparaissaient complètement sous un large mantelet d'une étoffe printanière, pareille à celle de sa robe, dont les longs plis traînants laissaient à peine apercevoir le bout de son brodequin. Il en était de même de ses mains, presque entièrement cachées sous l'extrémité des manches de sa robe, qu'elle portait, contre son habitude, longue et presque flottante. Une petite capote de crêpe, d'un blanc de neige, encadrait son visage d'un ovale allongé, et faisait ressortir la nuance de son teint, car Madeleine avait la carnation pâle et mate d'une femme extrêmement brune, et de très grands yeux du bleu le plus vif, frangés de cils noirs comme ses sourcils de jais, tandis que par un contraste piquant, sa chevelure, disposée en une foule de petites boucles à la Sévigné, était de ce blond charmant, vaporeux et cendré, dont Rubens fait ruisseler les ondes sur les épaules de ses blanches naïades. Ce teint pâle, ses yeux bleus, ses sourcils noirs et ses cheveux blonds donnaient à Madeleine une physionomie saisissante. Ses cils d'ébène se pressaient si drus, si fournis, qu'on eût dit qu'à l'instar des femmes d'Orient, qui donnent ainsi à leur regard une expression de volupté à la fois brûlante et énervée, elles teintaient de noir le dessous de ses paupières, presque toujours demi-closes, sur leurs larges prunelles d'azur. Ses narines roses, mobiles, nerveuses, se dilataient de chaque côté d'un nez grec du plus fin contour, tandis que ses lèvres, d'un rouge si chaud que l'on croyait voir circuler un sang vermeil sous leur derme délicat, étaient charnues, nettement découpées, un peu proéminentes, comme celles de l'érigone antique, et parfois laissaient voir entre leurs rebords pourprés une ligne de l'émail des dents. Mais pourquoi continuer ce portrait ? N'y aura-t-il pas toujours, entre notre description si fidèle, si colorée qu'elle soit, et la réalité, l'incommensurable distance qui existe entre une peinture et un être animé? Ce serait tenter l'impossible que de vouloir rendre perceptible l'atmosphère d'attraction irrésistible, magnétique peut-être, qui semblait émaner de cette singulière créature. Ainsi, ce qui chez tout autre eût produit un effet négatif, semblait centupler chez elle les moyens de séduction. Nous voulons parler de l'ampleur et de la longueur de ses vêtements, qui, ne trahissant pas le moindre contour, laissaient à peine entrevoir le bout de ses doigts et de son brodequin. En un mot, si la chaste draperie qui tombe aux pieds d'une muse antique, à la figure sévère et pensive, ajoute au caractère imposant de son aspect, un voile jeté sur le corps charmant de la Vénus Aphrodite ne fait qu'irriter et enflammer encore l'imagination. Telle était donc l'impression que Madeleine avait causée sur Charles du Tertre, que muet et troublé, il resta quelques instants à la contempler. Sophie, ne pouvant soupçonner la cause du silence et de l'émotion de son mari, le crut absorbé par l'imminence de sa ruine, et cette pensée la ramenant elle-même à sa position, un moment oubliée, elle dit à la marquise en tâchant de sourire « Il faut excuser la préoccupation de Charles, ma chère Madeleine. Au moment où tu es entrée, nous causions d'affaires, et d'affaires fort graves. » En effet, madame, veuillez m'excuser, reprit du Tertre, en tressaillant et se reprochant doublement l'impression étrange que lui causait l'ami de sa femme. Heureusement, tout ce que Sophie m'a dit de votre bienveillance habituelle me fait compter, madame, sur votre indulgence. Mon indulgence? Mais c'est moi qui ai grand besoin de la vôtre, monsieur, reprit la marquise en souriant. Car dans mon impérieux désir de revoir ma chère Sophie, accourant ici à l'improviste, je lui ai sauté au cou, sans songer à votre présence ni à celle de monsieur votre père. Mais il voudra bien aussi me pardonner d'avoir traité Sophie en sœur, lui qui la traite comme sa fille. Et Madeleine, en disant ces mots, se tourna vers le vieillard. Hélas, madame, reprit-il involontairement, jamais mes pauvres enfants n'ont eu plus besoin de l'attachement de leurs amis. C'est peut-être le ciel qui vous envoie. Mon père, prenez garde, dit à demi-voix du Tertre au vieillard, comme pour lui reprocher affectueusement de mettre une étrangère au courant de leur peine domestique. Car Madeleine avait soudain jeté sur Sophie un regard surpris et interrogatif. Le vieillard comprit la pensée de son fils et répondit tout bas, « Tu as raison, j'aurais dû me taire. Mais la douleur est si indiscrète. Allons, viens, Charles, reconduis-moi dans ma chambre, je me sens accablé. » Et il reprit le bras de son fils. Au moment où Duterte allait quitter le salon, la marquise fit un pas vers lui en disant « À bientôt, monsieur Duterte, car je vous en préviens. Je suis résolu, pendant mon séjour à Paris, de venir souvent, oh, bien souvent, voir ma chère Sophie. J'aurai d'ailleurs un service à réclamer de vous, et pour être certaine de votre consentement, je chargerai Sophie de vous le demander. Vous le voyez, j'agis sans façon. » En ami, en ancien ami, car mon amitié pour vous, monsieur Duterte, date du bonheur que Sophie vous doit. À bientôt donc, et au revoir, ajouta la marquise en tendant sa main à Duterte avec un mouvement de gracieuse cordialité. Le mari de Sophie eut, pour la première fois, honte de ses mains noircies par le travail. C'est à peine s'il osa presser le bout des petits doigts roses de Madeleine. À ce contact, il frissonna légèrement. Une rougeur brûlante lui monta au front, et pour dissimuler son trouble et son embarras, il s'inclina profondément devant la marquise et sortit avec son père. Depuis le commencement de cette scène, les deux petits enfants de Sophie, se tenant par la main et à demi cachés par leur mère, auprès de laquelle ils restaient, ouvraient ses yeux énormes, contemplant silencieusement la dame avec une grande curiosité. La marquise, s'apercevant alors de leur présence, s'écria en regardant son ami « Tes enfants ? « Mon Dieu, qu'ils sont jolis! Dois-tu être fier ?» Il se mit à genoux devant eux, afin de se placer, pour ainsi dire, à leur niveau. Puis, écartant d'une main les boucles blondes qui cachaient le front et les yeux de sa filleule, dont la tête était à demi baissée, la marquise, lui relevant doucement le menton de son autre main, contempla un instant cette délicieuse petite figure, si rose, si fraîche, et baisa les joues, les yeux, le front, les cheveux, le cou de l'enfant avec une tendresse toute maternelle. « Et toi, gentil chérubin, ne sois pas jaloux, » ajouta-t-elle, et rapprochant la tête brune du petit garçon de la tête blonde de la petite fille, elle partagea entre eux deux ses caresses. Sophie Duterte, attendrie jusqu'aux larmes, souriait mélancoliquement à ce tableau, lorsque la marquise, toujours à genoux, leva les yeux vers elle et ajouta, en tenant toujours les deux enfants enlacés, « Tu ne croirais pas, Sophie, qu'en embrassant ces petits anges, je comprends, je ressens presque le bonheur que tu éprouves lorsque tu les manges de caresses, et il me semble que je t'en aime davantage encore de te savoir si heureuse, si complètement heureuse. » En entendant ainsi vanter son bonheur, Sophie, ramenée de nouveau à sa situation présente, un moment oublié, baissa la tête, pâlit, et ses traits exprimèrent soudain une si pénible angoisse que Madeleine se releva vivement et s'écria « Mon Dieu, Sophie, tu pâlis, qu'as-tu donc ?» Madame Duterte étouffa un soupir, secoua tristement la tête et répondit « Je n'ai rien, Madeleine, l'émotion, la joie de te revoir après une si longue absence. »« L'émotion, la joie ?» reprit la marquise d'un air de doute pénible. « Non, non. » Tout à l'heure, c'était de l'émotion, de la joie, mais, à cette heure, tu as l'air navrée, ma pauvre Sophie. » Madame Duterte ne répondit rien, cacha ses larmes, embrassa ses enfants et leur dit tout bas « Allez retrouver votre bonne, mes chers petits. » Madeleine et Auguste obéirent, et quittèrent le salon non sans s'être retournés plusieurs fois pour regarder encore la dame qu'ils trouvaient des plus avenantes.